Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le mag d'Actu Tout Terrain, en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui, au programme, un magazine multicarte, multicartouche, n'est-ce pas ? Nous allons parler radio scolaire. Vous savez qu'en ce moment, on a fait 15 jours de diffusion, de production des jeunes et d'ateliers radio. Mais on va continuer un petit peu ce midi. On va aussi parler du Horsfield Festival, un nouveau festival, vous saurez plus sous très peu. Et puis on ira à Soweto pour retrouver le groupe BCUC qui sera en concert dans le cadre du festival des 7 collines. Pas mal de places à gagner, bien entendu, des cadeaux. Et le premier cadeau sera le coup de cœur de la semaine. Je ne vais pas le présenter tout de suite, mais laisser se présenter de lui-même. Il s'agit de Ventre de Biche, tout de suite, avec le morceau qui s'intitule « Je suis ». Plus fort, j'entends rien, c'est parti. Ce matin encore, le caveau est vacant. Mélange ton sang avec mon sang, fais-le vraiment. Qui n'a pas déjà chié dans la rue, je vous demande vraiment. Ah bon, pas toi, ah bon, pas toi non plus. Mais toi, je sais, les caméras t'ont vu. Du coup, maintenant, quand je pense à toi, je pense à ça. Ce qui nous lie, chez lui, là où on se touche. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'aime bien, je suis lent, oui. Ça va pas vite, mes doigts laissent des marques sur la vide. Je sais plus où j'habite, hein. Oui, c'est vrai, décélère. Passe le plus clair de mon temps dans mon crâne, pas sans séquelles. Je sens un poids sur ma poitrine. L'air se fait rare et c'est infernal. Peut-être que je suis déjà mort, non. Et pourtant c'est la mort qui nous lie, chérie, pour la vie. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. J'en garde sous le pied, sous la dent, j'aime bien, je suis lent. De Biche à l'instant sur le 895 de Radio Dio. Ventre de Biche que peut-être vous avez eu la chance et l'occasion de voir la semaine passée dans un lieu secret de la place Stéphanoise lors d'un concert avec deux groupes. Ce groupe stéphanois qui va faire vibrer les foules et les âmes punk nommé Surface Tangible qu'on retrouvera dès qu'il y aura un petit enregistrement sur le 895 de Dio. Qui était donc précédé par ce projet solo de Lucas. Lucas qui a officié dans pas mal de groupes à tendance noise punk du côté de Lyon et de Strasbourg, qui est aussi un des MC du groupe et crew Système Magique qu'on avait fait jouer. C'était où ? C'était au Pied de Biche dans le cadre d'une duophonie soirée proposée par Radio Dio et qui là sort un nouvel album. Ça sort sur le label Teenage Menopause, ça s'intitule Vaniel. 15 titres qui sont un petit peu entre solo de synthétiseur cheap et morceaux à tendance hip-hopisante. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais l'utiliser quand même pour l'occasion. Cet album est sorti en juin 2023 et il contraste un petit peu justement avec ce côté un peu plus groovy, un peu plus Système Magique dans le Ventre de Biche qui fait du bien sur la longueur. Il y a beaucoup de vidéos si vous êtes avide d'images puisque l'album est sorti précédé par un feuilleton en 6 épisodes avec plein de vidéos sur les morceaux, etc. Un teasing très 2023, comme vous en doutez, que vous pouvez retrouver en lien donc sur le site de ce label que je vous conseille toujours, Teenage Menopause Records, et cet album Ventre de Biche. Vaniel. Et vous avez peut-être remarqué que Radio Dio en ce moment met à l'honneur les jeunes générations, sans doute pour essayer d'être un peu moins vieille avec ses 42 années officielles au compteur. 15 jours donc de diffusion, de sortie d'ateliers, des jeunes qui vont rencontrer un petit peu toute la ville, toute l'agglomération stéphanoise, essayent de raconter le monde tel qu'ils le voient. Je vous renvoie vers le site internet radiodio.org pour vous mettre au courant de tous ces rendez-vous qui continuent encore sur cette semaine. Et hors rendez-vous justement, eh bien, j'ai décidé aussi moi de diffuser une sortie de résidence collégienne que j'ai reçu tout fraîchement. Je vous ai déjà diffusé plusieurs fois et depuis plusieurs années les productions de l'atelier radio du collège Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon, projet mené en partenariat avec Véronique Besson, la professeure documentaliste du collège. Et là, un tout nouveau groupe constitué essentiellement de 6e et 5e du collège qui se sont saisis de l'outil et qui, après leur première année de pratique radiophonique, eh bien, ont réussi à faire un montage d'une émission collective avec toute leur production où je n'ai rien fait. Ils ont été en autonomie totale et bravo, bravo, parce que le résultat est au rendez-vous. Je vous propose tout de suite donc d'écouter toutes ces chroniques de presse, de vie et de sourire de ce collège Jacques Prévert. Un gros big up aux élèves et à Véronique pour ce projet. 20-25 minutes de écoute, écoute, écoute. Bonjour, ici le club radio de Jacques Prévert. On vous propose du miel pour les oreilles. Voici quelques chroniques préparées pour vous au programme. Des informations sur le diabète avec Madame Vialton, interviewée par Nesrine, Safia et Sophia. Erwan et Madame Munieri ont échangé à propos des pyramides. Bienvenue en Égypte. Ensuite, Gabriel et Lucas ont souhaité parler de leurs vidéos préférées. Nous continuerons avec une chronique sur l'histoire de la radio par Louane. Côté livre, deux chroniques. Julia lire ses conseils personnels pour devenir écrivain. Roby, elle présentera quelques romans à lire absolument. Et pour finir, un peu de sport. Tennis avec Axel et Tom, retour sur l'expérience de ramasseur de balles. Margot enfin nous parlera d'Antoine Brizard, un volleyeur au palmarès remarquable. À vos marques, prêts, écoutez! Bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'infirmerie du collège et nous allons poser des questions à Madame Vialton, infirmière, sur le diabète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le diabète type 1 et type 2 en quelques mots ? Alors, le diabète de type 1, c'est dû à un mauvais fonctionnement du pancréas. Le pancréas, normalement, sécrète de l'insuline. Et dans le diabète de type 1, l'insuline n'est pas sécrétée correctement. Soit elle est insuffisamment sécrétée, soit elle n'est pas du tout sécrétée par le pancréas. Et le diabète de type 2, c'est plus dû à une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules. C'est-à-dire que l'insuline ne fait pas son travail correctement pour éliminer le sucre qu'il y a dans le sang. Quand on mange un bonbon, par exemple, il y a du sucre qui passe par le sang. Et dans le cas du diabète de type 2, le pancréas ne travaille pas correctement pour éliminer le sucre. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de diabète dans, dans le collège. Oui, j'ai 3 élèves diabétiques cette année dans le collège. Et c'est tous des élèves qui ont le type 1 de diabète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choses à faire régulièrement quand on est diabétique ? Alors, quand on est diabétique, les enfants, déjà, ils doivent se faire un dextro, on appelle ça. Ils ont un petit appareil pour regarder le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Et en fonction de ce taux, il faut se faire de l'insuline, en fonction du résultat. Et donc, il faut faire les dextro. Des fois, c'est 2 fois par jour, des fois, c'est aussi 3 fois par jour. C'est souvent avant chaque repas. Et se faire de l'insuline. Donc l'insuline, maintenant il y a des pompes à insuline, c'est-à-dire qu'il y a une seringue qui est placée au niveau du corps et qui diffuse de l'insuline sur toute la journée. Il n'y a plus besoin de se faire des piqûres matin, midi et soir. Faut-il s'alimenter lorsqu'on est diabétique ? Alors, quand on est diabétique, il faut faire attention à tout ce qui est sucré. Donc, dans ce qui est sucré, bien sûr, il y a les bonbons, il y a les sodas, il y a le sucre qu'on peut mettre dans un yaourt, dans un gâteau. Il faut éviter tous les produits où il y a trop de sucre, vu que le pancréas ne fait pas son travail. Il faut continuer à faire des activités sportives, c'est très bon. Et il faut faire très attention si on se blesse, parce qu'on ne ressent pas la douleur pareil quand on est diabétique, surtout au niveau des pieds. Il y a des gens diabétiques qui ont des plaies au niveau des pieds qui ne les sentent pas. Après, la plaie peut s'infecter ou s'agrandir, et ça peut être grave parce que les diabétiques cicatrisent mal aussi. C'est des gens qui ont du mal à se défendre, il y a une baisse de l'immunité et il y a des problèmes de cicatrisation. Les autres choses à éviter, c'est surtout au niveau alimentation qu'il faut faire attention. Mais autrement, dans la vie de tous les jours, ne pas être trop sédentaire. Il faut bouger pour éliminer plus facilement les graisses, le sucre. Merci de m'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Erwan et aujourd'hui je vais interroger un professeur d'histoire sur les pyramides. Pourquoi les Égyptiens ont-ils construit les pyramides ? Bonjour Erwan. Alors, pourquoi les Égyptiens ont construit les pyramides ? Eh bien, ils les ont construites parce qu'ils avaient besoin de faire des grands tombeaux pour leur pharaon. Comment les Égyptiens choisissaient-ils l'emplacement des pyramides ? Alors, comment ils ont choisi l'emplacement ? Eh bien, comme ils ont décidé à un moment donné qu'ils voulaient faire des tombeaux très très énormes, très grands, ils avaient besoin de beaucoup de place. Mais il fallait que ce soit pas très loin de leur capitale. D'accord ? Donc, ils ont choisi un endroit où il y avait suffisamment de place, mais pas très loin de leur capitale. Et à l'époque, des pyramides, c'est l'époque de l'ancien empire. D'accord ? Donc, on est entre 2700 et 2500 ans avant notre ère. Donc, leur capitale s'appelait Memphis. Et ils se sont installés, ils ont choisi des lieux à côté de Memphis. Les pyramides sont-elles des labyrinthes ? Alors, l'intérieur des pyramides, on a l'impression que ce sont des labyrinthes, d'accord ? Parce qu'effectivement, il y a plein de mystères autour des accès à la chambre funéraire et que tous les ans encore, aujourd'hui au XXIe siècle, on découvre des pièces qui ont l'air cachées, hein, qui ont des endroits qui sont vides à l'intérieur de la pyramide. Mais la pyramide en elle-même, ce n'était pas vraiment un labyrinthe. On avait un couloir qui menait à la chambre funéraire du pharaon. En revanche, tout ce qui est autour de la pyramide, on pourrait appeler ça un labyrinthe. D'accord ? Parce que la pyramide, c'est juste le tombeau. Mais autour de la pyramide, il y avait tout un ensemble funéraire où on rendait un culte au pharaon. Alors bien sûr, Le but du jeu, c'est de faire en sorte que le corps du, enfin la momie du pharaon ne soit pas trouvée. Alors c'est sûr que l'accès est un peu difficile, mais c'est pas un labyrinthe au sens du Minotaure, tu vois, de l'histoire du Minotaure. À quoi servent les vases canopes ? Alors, les vases canopes, c'est les vases dans lesquels on conserve les viscères, c'est-à-dire tout ce qui était à l'intérieur du corps du pharaon. Parce que dans les croyances égyptiennes, pour que le pharaon il puisse monter dans les étoiles, parce que c'est son lieu d'arrivée, en fait, il faut qu'à la fois son souffle vital, mais son corps reste entier, ne soit pas abîmé. Donc, on momifie le corps du pharaon. Mais on momifie tout, donc on garde aussi ses viscères, parce que sinon il ne peut pas vivre. Qui sont les égyptologues, que font-ils ? Alors, les égyptologues, on va dire que ce sont un petit peu les historiens, ce sont des historiens et des archéologues spécialisés dans l'histoire égyptienne. Donc, ils font à la fois des lectures, ils lisent les papyrus, ils lisent toutes les inscriptions, d'accord ? Et ils font aussi des fouilles. Ils recherchent sur les lieux bah, tout ce qui reste. Et on trouve encore plein de choses. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a plein de découvertes qu'on peut faire. Très récemment, on a découvert un ensemble de momies de... je crois que c'était des moutons. Plein de moutons momifiés qu'on a découverts. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. Qui sont les pilleurs de tombes ? Alors, les pilleurs de tombes, bah, c'est dans le passé comme aujourd'hui, c'est des gens qui veulent s'enrichir. Donc, ils vont voler toutes les richesses qu'on trouve dans les tombes, puisque quand un Égyptien de l'ancienne Égypte, il était dans les croyances, il y a une partie de lui qui vit dans la tombe, en fait. Donc, dans la tombe, on met avec lui tout ce dont il a besoin. Si c'est quelqu'un de très riche, eh ben, on lui met dans sa tombe tout ce dont il a besoin, dont des objets qui valent très cher. Donc bien évidemment, à l'époque de l'ancienne Égypte, les pilleurs de tombes, ils existent dès l'époque des pharaons. Hein. Parce que bah, en Égypte, il y avait déjà à l'époque des gens pauvres qui voulaient s'enrichir. Aujourd'hui, les pilleurs de tombes, ils existent toujours. Ils n'ont pas forcément besoin de trouver des objets qui valent très cher. Il suffit qu'ils trouvent des objets qui sont anciens. Parce que ce sera vendu sur les marchés dans le monde entier, parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par l'Égypte et qui sont prêts à acheter ces objets qui sont volés, en fait. Les pilleurs de tombes, ce sont des voleurs d'histoire. Voilà. Merci, Madame Lumieri, d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, je te remercie de me les avoir posées. Bonjour à tous, c'est Lucas et Gabriel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos jeux préférés. Gabriel, en quoi consiste ton jeu et comment s'appelle-t-il ? Mon meilleur jeu est Microsoft Flight Simulator. Il consiste à piloter des avions dans tout le monde. Et toi, quel est ton jeu préféré ? En quoi consiste-t-il ? Mon jeu préféré s'appelle Minecraft. C'est un jeu de découverte dans un monde généré aléatoirement. Décoller. J'ai beaucoup décollé sur des îles et aussi sur des montagnes. Et toi, qu'as-tu construit ? J'ai construit des remparts, des châteaux, des tours, des murailles, des enclos, des maisons, des villages. Qu'as-tu piloté ? Moi, j'ai beaucoup piloté des Boeing. Aussi, j'ai piloté grâce à un pack qui s'appelle Top Gun, un avion de chasse, des coucous et des hydravions. Quel est ton mob préféré ? D'abord, sais-tu ce que c'est un mob ? Non. Un mob est un monstre pacifique ou méchant de Minecraft. Ça peut aussi être un animal. Ils sont générés aléatoirement dans le monde où nous sommes. Et toi, as-tu décollé à l'aéroport d'Andrézieux ? Oui, j'ai décollé beaucoup de fois avec des Boeing et des coucous. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Louane et je viens du club radio. Je vais vous parler de la radio et ensuite nous accueillerons Loïc, animateur à Radio Dio, que nous connaissons bien au club. La radio a été créée en 1900 par les militaires pour communiquer. C'est aussi en 1900 aux États-Unis qu'a eu lieu la première écoute de la voix par radio. Ce n'est qu'en 1920 que la radio a été accessible à tout le monde. Il faut savoir que la radio n'a pas été créée par une seule personne. Ce sont plusieurs personnes qui sont à l'origine de cette belle invention. Merci de votre écoute. C'est pas idiot, le club radio. Bonjour, je m'appelle Julia et je suis ici pour vous parler du métier d'écrivain parce que je me suis toujours posé la question comment écrire un livre. Est-ce que le métier d'écrivain s'apprend ? À mon avis, ça ne s'apprend pas. C'est plutôt l'envie d'écrire et il faut avoir aussi de l'imagination. Et à ton avis, comment on peut débuter une carrière d'écrivain ? Il faut écrire tous les jours, il faut être patient et essayer de s'améliorer en style. À quel âge peut-on publier un livre ? À n'importe quel âge, mais si on est mineur, il faudrait demander la permission des parents et il faut avoir aussi un peu de vécu. Est-ce que c'est dur de publier un livre ? Il faut d'abord avoir un texte, puis il faut l'envoyer à des éditeurs qui vont décider s'ils vont le publier. Donc pour un auteur qui débute ou pas encore connu, ça peut être très difficile. Donc il faut être patient et bien écrire. D'ailleurs, c'est quoi un éditeur ? C'est un professionnel qui va choisir de publier oui ou non le manuscrit. Donc un manuscrit, c'est le texte avant qu'on le transforme en livre. Et si on est en manque d'inspiration, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se mettre dans un coin tranquille, par exemple dans une forêt ou dans un coin qui vous inspire, que vous aimez. Et puis vous écrivez ce qui vous passe par la tête, ce que vous entendez et ce que vous aimez. Merci à Romy pour tes questions. Et merci à Julia pour tes réponses. Bonjour, je m'appelle Romy. J'ai décidé de faire une rubrique lecture car j'adore lire. Je vais vous conseiller sur quelques livres que j'ai beaucoup aimés. Donc d'abord, il y a Divergente, dont l'autrice est Véronica Roth. Ça raconte l'histoire de Triss, qui vit dans un monde divisé en 5 factions. Les audacieux, les altruistes, les érudits, les sincères et les fraternels. À 16 ans, elle doit en choisir une pour le restant de sa vie. Mais c'est un cas rare car son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente. Et ce secret pourra la tuer ou la sauver. Après, il y a Gardien des cités perdues, donc ça c'est vraiment mon livre préféré, écrit par Shannon Messenger. Donc ça raconte l'histoire de Sophie, une humaine qui n'est pas comme les autres. Elle a toujours été capable de lire dans les pensées des gens. Et un jour, elle rencontre un mystérieux garçon qui lui dit qu'elle n'est pas humaine et qu'elle vient d'un autre monde. Et après être allée dans ce monde qu'elle a quitté il y a 12 ans, une question continue quand même de l'obséder. Pourquoi l'a-t-on cachée si longtemps dans le monde des humains ? Après, il y a Les Sœurs Sorcières, donc de Jessica Spotwood. C'est l'histoire donc de 3 sœurs sorcières, qui l'aînée, Kate, a déjà beaucoup de mal à cacher ses pouvoirs et ceux de ses sœurs. Et en fait, il a fallu qu'elles soient les filles de la prophétie, qui raconte qu'à l'aube du XXe siècle, 3 sœurs, toutes les 3 sorcières, atteindront l'âge de décision. Et parmi les 3 sœurs, une sera la plus puissante sorcière qu'il ait existé. Mais la prophétie est aussi sombre car elle annonce que l'une des 3 sœurs mourra de la main d'une des autres sœurs. Après, il y a Le Passage des Lumières de Catherine Cuanca. C'est l'histoire de Zélie qui a voyagé dans le temps en 1789, l'année de la Révolution. Le problème, c'est que c'est très dur pour Zélie de vivre là-bas parce que y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été inventées. Mais elle va aussi faire de jolies rencontres, notamment le père Joseph, Albine et Léandre. Après, il y a Le Prince Cruel, dont la série est Le Peuple de l'Air, d'Holly Black. C'est l'histoire de Jude. À ses 7 ans, elle a été emmenée dans le monde à Terrafae, où vivent les Fae, des créatures sublimes, immortelles, mais très cruelles. À ses 17 ans, elle est capable de manier l'épée, de résister aux sortilèges, mais ce n'est pas suffisant, car elle s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan. On fait des chroniques avec Loïc et Véronique. Bonjour, c'est Tom et Axel du Club Radio. Aujourd'hui, je vais poser à Axel quelques questions sur le tennis. Salut Axel. Salut. Pour toi, qu'est-ce que le tennis ? Pour moi, le tennis, c'est un sport de raquette qui se joue avec sa détermination et son envie. Depuis combien de temps en fais-tu ? Alors, ça fait 2 ans que j'en fais, avec une ou 2 séances par semaine. Quelle est l'expérience qui t'a le plus plu dans le tennis ? J'ai fait l'Open NG 2023 en tant que ramasseur de balles. C'est un tournoi féminin international. Quels sont les critères de sélection du tennis de ramasseur de balles ? Au début, on est tous sélectionnés, on va dire. Mais arriver les demi-finales et les finales, c'est une petite sélection selon notre vitesse, notre endurance, notre attention envers les balles, les joueuses, etc. Et jusqu'où es-tu allé ? La finale, ça. Félicitations. Pourquoi le tournoi Roland-Garros s'appelle-t-il ainsi ? Le nom du stade et du tournoi a été choisi en hommage à l'aviateur Roland-Garros, décédé dans un combat aérien de la Première Guerre mondiale en 1918. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Axel, et bonne journée. Thank you. aujourd'hui je vais vous parler de mon joueur préféré au volley. Il s'appelle Antoine Brizard. Il est né le 22 mai 1994 à Poitiers et il est français. Il mesure 1m96, c'est super grand, et il occupe la place de passeur. Actuellement, il joue en Italie dans le club de Piacenza et il est capitaine d'équipe. En 2020, il rejoint le club de Pavello Plaisance en Italie. En 2021, il reçoit son premier titre aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui devait se dérouler en 2020. Grâce à ça, l'équipe de France reçoit la médaille d'or. En 2021, il reçoit le titre de champion olympique avec l'équipe de France. Et en 2022, il est devenu meilleur joueur du monde de volley. C'était l'équipe du Club Radio. Sur le 89.5 de Dio, bravo encore à toute la team. Vous les retrouverez en podcast sur radiodio.org et puis l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. You hanging around, begging love, acting like you've never even cared. And yeah, we can remain together. If I give you some, the game is done. You've never said you're in, well, nothing's wrong. If nothing's right, as we get along, it's all us on the sunset and the beat goes. I've always knew you won't take time to make it happen. Make me feel like I'm the real deal and you're the one with whom I'll get away. Absorb the natural love, looking for somewhere else to play. Well, it's a shame you've ruined the game. I'll shut my mouth and stare as if it all goes wrong. I'll be in pain. Nothing for you here. Your time to be gone. Until I burn in tears, I'm better off alone. I'm nothing for. À l'instant, on vient d'entendre Parade sur le 89.5 de Radio Dio. Parade est ce nouvel album sorti le 26 mai 2023, qui sortira le 26 mai 2023. Il s'intitule It All Went Bad Somehow et nous est produit directement du Grand Sud, puisqu'il nous vient du label Lollipop Records, basé à Marseille. Parade, c'est bien dans la droite ligne de l'étiquette un petit peu de Lollipop, qui est aussi un disquaire que je vous conseille largement en bas du cours Julien à Marseille, et qui excelle dans toutes les esthétiques pop, post-punk, garage. On est exactement là-dedans. Ça a quand même un projet qui commence à prendre un petit peu dans le monde du rock, puisqu'ils avaient été aux Inouïs du Printemps de Bourges, ce grand supermarché de la musique qui permet quand même aux musiciens et musiciennes qu'ils souhaitent eh bien, de se faire repérer par les programmateurs de la France et de l'Europe. Et donc ce disque est un des coups de cœur de la Ferrarock cette semaine. Vous retrouverez ce groupe en interview dans Dig Dig Diggers, aux côtés de l'autre coup de cœur sélectionné par notre réseau, qui s'intitule The Soap Opera. Ce sera en direct sur Dio à midi, ce vendredi, rediff à 19h, et le lundi suivant à 8h du matin. Et à présent, eh bien, c'est le moment des cadeaux et des découvertes musicales ou des confirmations musicales pour qui connaît déjà. Et là, eh bien, on a lancé un petit soutien où on va essayer d'aller s'éloigner un petit peu de Saint-Étienne et on va proposer, vous, chers Stéphanois et Stéphanoises, parfois peut-être que vous aimez bien les Charentaises de notre ville, mais se déplacer un tout petit peu vers l'est, de l'autre côté des monts du Lyonnais. Oui, vous commencez à avoir peur. Dans une ville qui finit par Mont-d'Or, un peu après l'Arbrel et pas très loin de Lyon. Eh oui, tout à fait. Mais il y a un festival qui a commencé en 2010 et qui eh bien, essaye de proposer de l'émergence vraiment... Il n'y a vraiment pas de tête d'affiche, il faut bien le dire, mais il y a quand même 3 projets qu'on jouait déjà sur Dio et on avait envie d'essayer de vous proposer de gagner des places pour ce festival qui s'intitule Horsfield. Horsfield Festival, donc, à Curie en Mont d'Or. Ce sera le vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. Ça se passe dans une clairière, un camping sur place, etc. On a 2 passes à vous faire gagner pour le festival. Et je vais vous proposer bien de découvrir un petit peu musicalement ces noms un peu obscurs, sans doute, qui sont sur l'affiche et que je vais citer pêle-mêle. Le vendredi, You Said Strange de George Kaplan Conspiracy, Venin Karma, Fontana Rosa, The Mogs, Ronnie, et le samedi, Claire Days, Madame, TV Sundays, Jean-Michel Born et les Dérailleurs, Halfie et Mao. Vous me direz, bien oui, super. Eh bien oui, super. Eh bien, on va tout de suite commencer par faire ça dans le désordre, bien entendu, puisque l'ordre chronologique est vraiment une organisation à laquelle je suis réticent, et par le projet d'une musicienne folk venue de Lyon. C'est Claire Days, donc, qui jouera le samedi, et qui a sorti un EP ou un album il y a quelques temps, des enregistrements de ses morceaux, et qui va sortir tout début juillet, et là c'est une exclu mondiale de Radio Audio, un 7 titres de remix de ses compositions avec de belles invitations, notamment Krenoka, la Tourangelle dont je vous ai souvent parlé, et sur ce morceau Fink, une espèce de bluesman électro anglais qu'on aime beaucoup par ici, qui avait sorti des disques sur Warp et qui a donc remixé ce titre de Claire Days. Ça s'intitule Are We a Team, tout de suite sur le 895 de Dio. Country sprawling across the border, on the shoreline, on the same ground that goes by a different name. Though I have the feeling I'm a passenger like any other. Asking, are we a team? No, are we a team? They're taming us, slowly taming. Transparent, they want us. Nous écoutons toujours la programmation du Horsfields Festival qui se tiendra le 30 juin et 1er juillet à Curie au Mont d'Or. Et après Claire Days, nous venons d'écouter à un instant You Said Strange, projet normand cette fois qui a été pas mal soutenu par 666, la radio Ferrarock de Caen, et qui jouera en tête d'affiche, j'ai l'impression, de la scène 1 le vendredi 30 juin. Je vous rappelle que nous avons des places à vous faire gagner pour ce festival. Il suffit d'appeler au 04 77 438 895 438 895 ou par mail contact@radiodio.org. Laissez bien vos coordonnées si nous ne nous parlons pas en direct. À présent, je vais vous proposer un groupe qui est en diffusion depuis un an ou deux déjà sur Dio et que je vous avais présenté dans ce même mag. C'est un trio de musiciennes qui vient de Toulouse. Ça s'appelle Madame, M-A-D-A-M. C'est clairement dans la veine du Riot Girl, un rock efficace qui tâche. On a failli les avoir en interview ce midi, mais on a eu un petit cafouillage d'organisation. Malheureusement, ce sera partie remise. Je vais pour cela quand même leur laisser la parole en lisant la citation qui est en haut de leur présentation, puisque tout simplement, je pense que ça fait le travail. On aime ce qu'on fait et on le fait avec nos putains de tripes. C'est ce qu'on veut, c'est que les gens sentent ça et qu'ils voient le plaisir qu'on a à monter sur scène, à ressortir moite de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie, recommencer. We'll be right back. Witches are back in town. À l'instant, c'était Venin Carmin, un projet à la base solo, rejoué devenu un duo. J'ai l'impression que les musiciennes viennent plutôt de l'Est de la France, mais je ne suis pas bien sûr de moi. Elles ont sorti un album intitulé Constant Depression et elles seront le vendredi 30 juin, donc, au Horsfield Festival. Je vous rappelle donc, nous avons des places à gagner, 04 77 438 895 ou contact@radioduo.org pour ces quatre groupes que je viens de vous faire découvrir qui seront à l'affiche à Curie au Mont d'Or, 30 juin, 1er juillet. Et il y a un moment que vous n'aviez pas entendu ce petit lancement de la rubrique hors format, la rubrique consacrée à ces morceaux bien trop longs pour passer sur la bande FM frénétique, un petit arrêt sur son pour calmer un petit peu le jeu et laisser une chance à ces morceaux incroyables qui nous font naviguer et qui dépassent ce format 3 minutes 30 et le format 7 minutes. Et aujourd'hui c'est même un morceau de 19 minutes que je vais vous proposer, un morceau qui est totalement d'actualité. Puisqu'il s'agit du groupe BCUC. BCUC, c'est un collectif venu de Soweto, en Afrique du Sud. Ça signifie Bantu Continua Uhuru Consciousness, ce qui semble signifier l'homme en marche vers la liberté de conscience. 7 membres donc à ce collectif qui font naviguer les rythmes traditionnels Nguni et Tsonga et qui mélangent savamment énergiquement. Le slam des Last Poets, alors si vous ne connaissez pas les Last Poets, c'est quand même l'origine du rap, avant même Africa Bambaataa. Il faut à tout prix écouter ces slams percussifs, dont le plus connu, White Man Walked on the Moon, a été un hymne justement des luttes anti-américaines au moment 69 où l'État américain mettait tout son budget dans la course à l'espace, alors même que les Afro-Américains crevaient la dalle dans leur quartier. Donc il y a ça, il y a ce côté vraiment à l'ancienne, très percussion, voix, avec une énergie qui pour moi eh bien, est aussi issue de ce mouvement no wave new-yorkais, un petit peu du rock bizarre, énergique, vraiment un peu fou, comme ça. Voilà, BCUC c'est un peu fou, ça l'est déjà sur disque. Les disques sont en général composés plus ou moins de deux morceaux de 20 minutes et d'un morceau de 3 minutes quand même, pour être un peu sympa avec la radio. Et les deux en tout cas que je connais sont construits de cette manière. Là on va écouter un album qui est extrait de celui qui est sorti en 2019 et qui s'intitule The Healing. Le morceau que nous allons écouter s'intitule The Journey with Mr. Van Der Merwe. BCUC c'est quand même cette génération qui a connu la fin de l'apartheid et qui du coup a une conscience politique qui est au cœur de son projet. Ça se retrouve, semble-t-il, dans l'énergie incroyable. Ce groupe a déjà joué aux 7 collines en première partie de Omar Suleiman il y a quelques années et a complètement effacé la star syrienne dans leur prestation à détruit tout le monde. Et là donc je crois que c'est repassé au clapier aussi il y a quelques temps. J'ai l'impression que Saint-Etienne aime beaucoup BCUC. Le groupe sera en compagnie de La Dame Blanche. La Dame Blanche qui, elle, officie plus dans un mélange de hip-hop, dancehall, reggaeton, avec un petit côté un peu cumbia. On sent vraiment le son d'un hip-hop un peu lyonnais. Il me semble qu'elle est basée à Lyon en ce moment. Et de ce son latino, il y a aussi pas mal de morceaux de La Dame Blanche que vous retrouvez sur Dio. Nous avons plein d'invitations pour ce concert qui se tiendra le mercredi 28 juin à 20h30 au fil. N'hésitez pas, même numéro, même punition, 04 77 438 895 et contact@radiodio.org. Je vous laisse tout de suite avec ce morceau 19 minutes de BCUC, The Journey with Mr. Van Der Merwe. Thank you. Thank you. 5. Thank you. C'était BC aussi, à l'instant, sur le 8-9-5 de Dio, extrait de The Healing. Bantu continue à Huru Consciousness, donc, et ce morceau d'introduction de l'album The Journey with Mr. Van der Merve. Vous retrouverez ce groupe en compagnie de la Dame Blanche dans le cadre du festival Les Sept Collines au fil ce mercredi 28 juillet à 20h30. Des invites donc au 04 77 438 895 ou contact@radiodio.org. Des invites aussi pour le Horsfield Festival et retrouver les groupes que nous avons écoutés plus tôt dans le magazine, Madame, Venin Carmin, Claire Days et You Said Strange. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. N'hésitez pas donc à nous contacter. Et puis pour qui écoute aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes le 21 juin et que depuis Monsieur Jack Lang et François Mitterrand, c'est au solstice est consacré la musique, la fête de la musique. À Saint-Thé, bien sûr, eh bien, il y aura du son partout. Dans la ville sont montées de grosses scènes, notamment place Jean Jaurès, à Hôtel de Ville, à Dorian, au Puy Couriot, à l'ouverture des Biforts, guinguette du Parc de la Mine, au Square Cocteau et à la place Chavanel. Ça, c'est pour les grosses scènes montées, mais bien sûr, il y aura des concerts dans les bars, dans les rues. N'hésitez pas à vous balader simplement et à écouter un petit peu partout les gens qui font leur musique et qui sortent en ce jour. En tout cas, sur les scènes, on retrouvera pas mal de projets issus de Saint-Étienne, pas mal de projets qu'on suit. Il y aura notamment Lou Muguet, qui a été nos coups de cœur de Nos Talents sur Scène en 2022, qui sera à place d'Hôtel de Ville. Je me permets de faire un big up aussi au crew de Radio Dio, la charbonnerie prom, l'émission charbonnaire le vendredi à 17h consacré à la place, à la basse musique, pardon, comme l'an passé. Et la team organise un gros plateau rue Élise Gervais. Ce sera en ouverture une sélecta vinyle de la charbonnerie à partir de 16h. Il y aura aussi Another Blues, Meleya Bay, le rap de Big Eye, et on finira à partir de 22h avec une sélecta mix basse musique, donc rue Élise Gervais avec la charbonnerie crew. Voilà, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 895 de Radio Dio. Ciao.